J'avais une cible en vue, toi. J'ai joué, je me suis perdu. Moi, tu connais la suite, je t'ai suivi sans réfléchir. On connaît tous la vérité, on continuait sans se méfier. Tu me voulais, oui, pour toi tout seul. Tu perdais le nord et la tête. Tu ne répondais plus de toi-même. Tu voulais mon cœur et ma tête. Seuls les contraires s'attirent. Ta silhouette en ligne de mire. Et tu le constates, tu fais le premier pas. Ça devient de pire en pire. Tu me vois mais tu fais semblant. Au fond de toi tu nous vois ensemble. On est venu accompagner. Comment agir sans se faire remarquer. On ira tout doucement, tout doucement, tout doucement. On ira tout doucement, tout doucement, tout doucement. Joue avec le fuego. Ouais, joue avec le fuego. Il veut qu'on danse le mambo. Oh, elle veut qu'on danse le mambo. Il veut qu'on reste amigo. Elle veut qu'on reste amigo. Il m'a dit hasta luego. Hasta luego. Yeah, yeah, yeah. Oh. Aïe, t'es majeur, vacciné, t'es responsable. Aïe, aïe, aïe, aïe. Donc si tu veux jouer, on va mettre carte sur table. Aïe, aïe, aïe, aïe. Si je m'approche, faut plus bégayer. C'est toi qui m'as lancé, je peux plus m'arrêter. La règle d'or, celui qui se fait prendre plaide non coupable. Je le vois d'ici, le désir t'envahit. Et tu m'invites, mais t'as pas sommeil. Et tu décides pour la suite, tu veux ou tu veux pas, jusqu'au lever du soleil. L'amitié, oh mes femmes, j'y crois pas, fallait pas me provoquer. Si t'as compris ce que j'ai dit, pour nous deux, tout sera ok. Tu me vois, mais tu fais semblant. Au fond de toi, tu nous vois ensemble. On est venu accompagner. Comment agir sans se faire remarquer. On ira tout doucement, tout doucement, tout doucement. On ira tout doucement, tout doucement, tout doucement. Joue avec le fuego. Ouais, joue avec le fuego. Il veut qu'on danse le mambo. Oh, il veut qu'on danse le mambo. Il veut qu'on reste amigo. Il veut qu'on reste amigo. Il m'a dit hasta luego. Hasta luego. Et si c'est risqué, pardon, si c'est trop compliqué. Faut pas allumer l'incendie avec un briquet. Tu sais que c'est chaud, chaud, chaud. Tu sais qu'il faut, faut, faut. Une fois de plus encore, on se rate. Tu me vois mais tu fais semblant. Au fond de toi tu nous vois ensemble. On est venu accompagner. On ira tout doucement, tout doucement, tout doucement. On ira tout doucement, tout doucement, tout doucement. Joue avec le fuego. Joue avec le fuego. Il veut qu'on danse le mambo. Il veut qu'on danse le mambo. Il veut qu'on reste amigo. Il veut qu'on reste amigo. Il m'a dit hasta luego. Hasta luego. Yeah.